for someone to tell you to go. Toujours plus de tubes. Toi, si tu n'existais pas, si tu n'étais qu'un rêve, je te chercherais quand même. Tu vois, si je te connaissais pas, il manquerait dans mes veines comme un bout de moi-même. Si tout recommençait, je donnerais tout ce que j'ai. Je referais le trajet qui m'a mené à toi. Si tout recommençait, je reviendrais te chercher là où le temps s'est arrêté. Comme la première fois, je t'aimerais mille fois. Je te choisirais mille fois. Je t'aimerais mille fois. Moi, je t'attendrai là, rien que pour te revoir, comme le tout premier soir. Tu vois, peu importe l'endroit et le point de départ, on vivra la même histoire. Si tout recommençait, je donnerai tout ce que j'ai, je referai le trajet qui m'a mené à toi. Si tout recommençait, je reviendrai te chercher là où le temps s'est arrêté. Comme la première fois, je t'aimerai mille fois. Je te choisirai mille fois. Je t'aimerai mille fois. Je te choisirai mille fois. J'ai rêvé que je pouvais revenir en arrière. Pourtant je ne changerai rien pourvu que tu sois la mienne. Si tout recommençait, je donnerais tout ce que j'ai. Je referais le trajet qui m'a mené à toi. Si tout recommençait, je reviendrais te chercher là où le temps s'est arrêté. Comme la première fois, je t'aimerai mille fois. Choisirai mille fois. Je t'aimerai mille fois. Je te choisirai mille fois. Je t'aimerai mille fois. Excellent dimanche à tous, c'est Évasion. Que je vois en programmation Santa, dis-moi oui, ou encore K-pop Demon Hunters. Et vous allez bien voir vos photos hein, prochainement, puisqu'à partir de demain et tous les après-midi la semaine prochaine, il y a votre appareil photo en jeu, appareil photo numérique Agfa Photo qui prend des clichés en 4K avec un super zoom. Ce sera à la question du drive avec Simon, 16h10, 17h10. J'espère que vous serez là. Tous les matins, 7h25 et 8h25, tentez de gagner 300 euros sur Évasion. Jouez aux 10 secondes. Chrono. Reconnaissez un tube, une voix, retrouvez les paroles d'une chanson. Tous les matins, on s'amuse et on peut gagner 300 euros cash. Inscrivez-vous maintenant sur evasionfm.com. Les 10 secondes chrono, 7h25 et 8h25, dans le Grand Réveil Évasion. Économisez jusqu'à 30% pendant la Black Friday Week Amazon pour trouver le cadeau parfait pour votre beau-père, le chasseur de bonnes affaires. Si seulement il savait que vous avez profité d'une super vente flash Black Friday Week Amazon pour son cadeau, il vous accueillerait à bras ouverts comme il accueille chaque vente flash. Ah, d'accord. Une accolade maintenant. Ou une longue accolade même. Oh, l'accolade Black Friday Week. Économisez jusqu'à 30% pendant la Black Friday Week Amazon. À partir de jeudi. Bonjour madame, ici la directrice du collège. Votre fils a vomi en cours et a une forte fièvre. Pouvez-vous venir le chercher au plus vite? Je pense qu'il faut vite aller voir un médecin. La méningite bactérienne touche aussi les ados. Maux de tête intense, vomissements, raideur de la nuque, fièvre ou encore sensibilité à la lumière. La méningite progresse vite, consultez rapidement, ne tardez pas. Vigilance face aux symptômes, consultation rapide, des gestes essentiels tout comme la prévention par la vaccination. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien. Cette campagne d'information est proposée par l'entreprise de santé Pfizer. Quand on est parent, on veut toujours protéger ses enfants, évidemment. Mais on ne sait pas toujours très bien comment. En tout cas, pour les protéger des cancers HPV, c'est simple. On peut les faire vacciner chez un médecin, un pharmacien, une sage-femme, un infirmier ou dans un centre de vaccination. La vaccination est recommandée pour les filles et les garçons dès 11 ans. Et désormais, elle est proposée gratuitement dans les collèges aux élèves de 5e et de 4e. Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer. Je ne sais plus quoi faire pour qu'il ait des bonnes notes. Il faut que je lui promette un drone maintenant. Bonjour, je suis Laurent, conseiller Academia. C'est ce que cette maman m'a confié en venant me parler de sa fille Gabrielle. Malgré ses bonnes notes, il fallait encore qu'elle progresse pour le projet d'études qu'elle visait. Avec elle et ses parents, on a convenu que les cours particuliers Academia, avec un enseignant capable de la challenger, étaient la solution pour atteindre ses objectifs. Résultat, plus 4 points de moyenne. Et chez Academia, c'est notre engagement depuis plus de 25 ans. Academia, le plaisir de réussir. Renseignez-vous sur academia.fr. Je peux pas résister, c'est Black Friday. Tu te souviens de ce que t'as acheté l'année dernière? Un projecteur d'étoiles. Cette fois, les étoiles, je vais les voir depuis la mer. Je pars avec Costa. Avec le Black Friday de Costa, fini les achats inutiles. Réservez votre croisière de 8 jours dès 449 € par personne avant le 2 décembre. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa. À tous ceux qui sont occupés à escalader un volcan avec des chaussures en guimauve parce qu'un buisson leur a demandé et qui demandent leur chemin à leur patron qui passait par là. Attendez, quand j'arrive à l'imprimante à moustache, c'est à gauche ou à droite? Pour faire de beaux rêves, dès mardi, Intermarché propose la housse de couette de personnes et d'oreillers Percaldomédia à seulement 14,99 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Différents coloris, 240 cm x 220 cm, 71 430 pièces disponibles. Modalité sur intermarché.com. Dans la vie, vous pouvez choisir minutieusement votre appartement. Puis, rencontrer vos nouveaux voisins et leurs quatre enfants trompettistes. Sinon, vous pouvez choisir une Volkswagen ID. Silencieuse. Volkswagen, enfin une décision facile à prendre. Profitez de 2 mois de loyer offerts sur l'ID 4 100% électrique. ID 4 Pure Life Max 9, LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 5 000 €, prime coût de pouce EDF déduite sous réserve d'éligibilité, puis 2 loyers offerts suivis de 34 loyers de 179 €, si acceptation par Volkswagen Bank. Dans la limite des stocks disponibles du 1er au 30 novembre, conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. La Redoute, 21h. Emmitouflée dans ses draps La Redoute en percale de coton, Léa lance une série. Allez, juste un épisode. 21h04. Léa s'est endormie un peu avant la fin. Le Black Friday sur laredoute.fr, c'est jusqu'à moins 60% sur une sélection d'articles maison et linge de maison pour votre chambre. La Redoute, vivre le beau jusqu'au 1er décembre. Voir conditions sur laredoute.fr. Alors, faites Si à la fin d'une consultation, votre médecin ne vous prescrit pas de médicaments, c'est simplement parce que vous n'en avez pas besoin. Oui, ça peut surprendre, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Le bon traitement, c'est pas forcément un médicament. Parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien. L'assurance maladie. Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir « Je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la faim. » Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Amazon Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande. Évasion en Essonne. À Arpajon, 99.3. Tu fais quoi à Noël? Je suis chez mon tonton Donald. Il est trop rigolo, mais on comprend pas trop ce qu'il dit. Et toi? Bah moi je vais chez Papy Carl. Il a la tête dans les nuages, mais il ramène toujours plein de ballons. Bah moi il y aura aussi Maman Indestructible. Et a fait des gros câlins avec ses bras élastiques. Bah moi pareil. Trop cool, on fait Noël ensemble, ouais. En ce moment et jusqu'au 6 janvier, retrouvez une famille magique et émerveillez-vous pendant l'illumination du sapin de Noël géant. Profitez des billets datés 100% remboursables jusqu'à 3 jours avant votre visite sur disneylandparis.com. Slowly breaking down, and no, it's hard to see you. He holds me tight and lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel the your affection. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. And when we get low, when I'm inside of you. That's killing me. I cut you out entirely. Avec Santa, dis-moi oui. Je prends En repos, en famille, l'ambiance est parfaite pour profiter du week-end. Lewis Capaldi, Angèle et même DJ Snake, vos artistes préférés, se donnent rendez-vous ici sur Évasion. Évasion. Évasion. Votre radio en Essonne. Évasion. Évasion. She goes out at the end of the week. Makeup in the mirror, so excited to finally meet the man who will see her. She checks in, but she doesn't hear back, and she's already parking patiently, waiting to see if he'll pull behind her. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me in paradise. Start of the night, all her fears turn to anger. Takes her phone out before she can cry, just to find someone near her. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me in paradise. Pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Je t'aime, t'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle, ou t'es la plus belle. Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me montrent, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent, moi je ne t'oublie pas. On n'a pas la plus longue de toutes les histoires. On le sait, on n'a pas toujours gagné. Et d'habitude, j'ai l'attitude, même si c'est dur, de garder espoir. Quand on n'est pas les premiers. Les paroles flagées, Saint-Gilles, la gueule, à qui je dois mon nom. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle, ou t'es la plus belle. Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manque, je fais mieux quand je te vois. choisir un camp. Ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La mer c'est qu'une ligne femme. Dame que Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas fait. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Où t'es la plus belle. Paris m'appelle. Quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me ment. Je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles. Mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me ment. Moi je ne t'oublie pas. Toujours plus de tubes. Avec Lewis Capaldi, Survive. How long till it feels like the wounds finally starting to heal? How long till it feels like I'm more than a spoke in a wheel? Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive. I feel that I'm not enough, but I refuse to spend my best years rotting in the sun. So when hope is lost and I come undone, kills me too. I'm gonna get up and try. Préférée Évasion, on accueille Louisa et Lady Gaga très vite. Événement Évasion. Évasion vous offre vos places pour le showcase de Slimane. Vous venez de l'entendre, c'est une soirée à ne pas rater. Slimane en showcase Évasion, mercredi 3 décembre. Venez décrocher vos invitations sur evasionfm.com. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Slimane de retour avec son nouveau tube Mieux que moi. Et donc le showcase Évasion le 3 décembre, deux jours avant la sortie de son prochain album. Bon week-end à tous. Demain, Évasion vous offre le DC9200, l'appareil photo numérique signé Agfa Photo. Un appareil compact, puissant et polyvalent avec son zoom optique x10 et son double écran. Le DC9200 d'Agfa Photo, l'appareil simple d'utilisation pour un résultat incroyable. Tous les jours à 16h10 et 17h10, répondez à la question du drive et tentez de gagner votre appareil photo Agfa Photo avec Évasion. Dans la vie, vous pouvez choisir avec Génie le cadeau parfait pour votre meilleur pote. Lui offrir fièrement. Et trois jours plus tard, le retrouver sur un site de revente. Ou sinon, vous pouvez choisir une Volkswagen. Parce que là, au moins, vous ne serez pas déçu. Volkswagen, enfin une décision facile à prendre. En ce moment, profitez de 2 mois de loyer offerts sur la Golf. Golf 9 LLD 37 mois et 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros, puis 2 loyers offerts, suivis de 34 loyers de 299 euros, si acceptation par Volkswagen Bank. Dans la limite des stocks disponibles du 1er au 30 novembre. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. La Redoute, 17h20. Emma court pour amener la petite au basket. 17h30. Ah, et c'est un panier validé pour Emma sur laredoute.fr. Incroyable ce Black Friday. Le Black Friday sur laredoute.fr, c'est jusqu'à moins 60% sur une sélection d'articles mode et maison. La Redoute, vivre le beau. Jusqu'au 1er décembre, voir conditions sur laredoute.fr. Leclerc, bonjour. Oui, je voulais juste vérifier votre promo sur les Kinder Bueno. C'est bien moins 60% sur le deuxième paquet. C'est ça, vous allez pouvoir partager. Bien sûr, partager avec moi-même par exemple. Au moins, il n'y aura pas de dispute. Chez Leclerc du 11 au 22 novembre, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de Kinder Bueno Ferrero, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Je suis la professeure Calilou. Et je tourne. Quand le jouet préféré de votre enfant commence à faiblir, pas de panique. Vos nouvelles piles sont déjà en route. Elles arrivent demain avec Amazon Prime. Produit du quotidien. Livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Je suis la professeure Calilou. Et j'adore les câlins. Sous réserve du respect des heures limites de commande. Bonjour madame, ici la directrice du collège. Votre fils a vomi en cours et a une forte fièvre. Pouvez-vous venir le chercher au plus vite? Je pense qu'il faut vite aller voir un médecin. La méningite bactérienne touche aussi les ados. Maux de tête intense, vomissement, raideur de la nuque, fièvre ou encore sensibilité à la lumière. La méningite progresse vite, consultez rapidement, ne tardez pas. Vigilance face aux symptômes, consultation rapide, des gestes essentiels tout comme la prévention par la vaccination. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien. Cette campagne d'information est proposée par l'entreprise de santé Pfizer. Avec le froid qui arrive, on veut tous payer l'énergie moins chère. Pourquoi s'en priver en restant chez son fournisseur par habitude? Rejoignez Octopus Energy, le fournisseur le mieux noté par ses clients. Profitez de nos offres fixes 2 ans pour l'électricité et le gaz et réduisez vos factures. Rendez-vous sur octopusenergy.fr. Classement Trustpilot septembre 2025 dans la catégorie fournisseur d'énergie. Prix du kilowattheure hors taxe inférieur au tarif réglementé pour l'électricité et au prix repère de vente pour le gaz. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je vois la détresse de mon mari. Il était pâle, il était pas bien. Quand Marine a été cambriolée, Amaury, son agent mutuel de Poitiers, était là pour elle. Et du coup, j'appelle Amaury et mon mari me regarde et je lui dis « Mais t'inquiète pas, il arrive. » « Ah, mais il arrive là maintenant ?» Oui, je lui dis « Il arrive maintenant. » Oui, on est présent, on se déplace, on vient, on est l'assureur de proximité, on n'est pas une plateforme téléphonique. Et il m'a accompagné du début jusqu'à la fin, donc ça vaut de l'or. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout. Économisez jusqu'à 30% pendant la Black Friday Week Amazon. Pour trouver le cadeau parfait pour votre beau-père, le chasseur de bonnes affaires. Si seulement il savait que vous avez profité d'une super vente flash Black Friday Week Amazon pour son cadeau, il vous accueillerait à bras ouverts comme il accueille chaque vente flash. Ah, d'accord. Une accolade maintenant. Ou une longue accolade même. Oh, l'accolade Black Friday Week. Économisez jusqu'à 30% pendant la Black Friday Week Amazon. À partir de jeudi. Carrefour. Quand vous me dites, je sais jamais, on dit panettone ou panettone? Eh bien, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le panettone Carrefour Extra de 1 kg est à 5,49€. Oui, 5,49€ seulement le panettone Carrefour Extra. Alors rendez-vous jusqu'au 23 novembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie marque distributeur. Évasion en Essonne. À Saint-Chéron, 92.5. Cette semaine en Essonne, Évasion vous offre vos invitations pour le spectacle de Nicolas Lacroix à Boussy-Saint-Antoine. Découvrez le phénomène des réseaux sociaux aux 2 millions de followers dans Nico en vrai, le 26 novembre à Boussy-Saint-Antoine. En fait, je sais pas dire non. Ma psy me dit que c'est parce que j'ai la peur de décevoir. Bon, je pense pas que ce soit ça, mais je lui ai dit oui. Jouez sur évasionfm.com et gagnez vos places pour le spectacle de Nicolas Lacroix à Boussy-Saint-Antoine avec Évasion. Avec Évasion. Tu fais quoi à Noël? Je vais chez mon tonton Donald. Et bah moi pareil. Trop cool, on fait Noël ensemble, ouais. En ce moment et jusqu'au 6 janvier, retrouvez une famille magique à Disneyland Paris. Profitez des billets datés 100% remboursables jusqu'à 3 jours avant votre visite. Achetez vite votre billet sur disneylandparis.com. C'est sur le Bon Coin Immo qu'on a trouvé notre appart. Il fallait un grand séjour pour le piano de notre fils, des murs bien épais, et surtout, surtout, une pièce très éloignée du séjour. Parce que Beethoven, là, il joue vraiment comme une saucisse. Actuellement, sur le Bon Coin Immo, près de 100 000 opportunités vous attendent pour trouver le bien qui correspond à vos besoins, à Paris et en région parisienne. Le Bon Coin Immo, le bien pour tous. Source Le Bon Coin. Par le réalisateur de Prey, Predator Badlands. Bienvenue sur la planète la plus dangereuse de l'univers. Vivez-le en IMAX et en 3D. On n'est peut-être pas les seuls à chasser. Predator Badlands, actuellement au cinéma. Écoutez. C'est un extrait de Dan Black et Luan sur Évasion. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Ma vie, c'est comme au cinéma. Je me trompe et je recommence pas. Le film avance toujours sans moi. Je sens traverser mon corps chacun des accords et je les entends encore. Oh ouais, listen to the music, beautiful music. Et moi, je me perds dans le son. Toujours plus de tubes. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. And you kill my queen with just one pawn. There's goodbye, there's no surprise. There's goodbye, won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. You've created a creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul, your eyes. There's goodbye.

Louisa Bleu Soleil pour nous apporter de la chaleur cet après-midi. C'est la cerise sur le gâteau. Vous avez un anniversaire à fêter prochainement. Vous voulez qu'on passe le message à l'antenne dans le grand réveil Évasion avec Mathieu et Émilie. Évasionfm.com, onglet radio. Il y a juste à remplir un formulaire. Ou alors le WhatsApp Évasion 07 68 60 50 17. Alex Warren arrive après Doechi. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Marco, Polo, Polo, Negro run from Popo. Popo. That blue light in that Rojo. Rojo. Évasion. Toujours plus de tubes. C'est l'heure où les videurs deviennent gentils. Même avec les gens qui font peur, ils sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte, c'est moi, t'étais pas là. Que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Call on me, run. It is the nights when I'm drunk that it hits me most. Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end but I know it won't. Well, I've been in rightness, hard, yes. Since you left me here alone. Every time your name gets brought up I get caught with the tears that will overflow. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. J'avais l'habitude de tout ça. je la sens la solitude sans toi. Si j'avais l'habitude de tout ça, je la sens la solitude sans toi. My life being a color. You're black or white.